Bouygues Télécom. Thibaut et Tiffaine, de Tours, parents d'ados ultra connectés, ont une connexion très lente qui n'arrête pas de planter. C'est pourquoi à la rentrée, ils souhaiteraient se doter de la fibre, mais pas à n'importe quel prix. Eh bien, Thibaut et Tiffaine, écoutez plutôt. En ce moment, chez Bouygues Télécom, rentrez sans compter avec notre série spéciale fibre, internet, téléphone et télévision pour seulement 14,99€ par mois pendant un an, puis 36,99€ par mois. Oui, la fibre à 14,99€. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement, engagement 12 mois. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire du plus vieux meurtre non résolu de l'humanité, autrement dit le plus vieux polar du monde. En 1991, dans les Alpes tyroliennes, deux randonneurs allemands font une étrange découverte. Au détour d'un sentier, dans un glacier fondu, ils se retrouvent nez à nez avec le corps d'un homme mort depuis plus de 5000 ans. Très vite, la momie des glaces fait sensation dans le milieu de l'archéologie. Et des scientifiques du monde entier se rejoignent pour étudier la dépouille de cet hibernatus alpin qui sera baptisé Ötzi en hommage aux montagnes de Lotztalt où il a été retrouvé. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. On découvre bientôt que l'homme préhistorique ne serait pas mort de froid au milieu de la montagne comme tant de ses congénères de l'époque, mais qu'il a été assassiné. Alors, qui a tué Ötzi ? Depuis plus de 25 ans, archéologue, radiologue, chercheur de toutes spécialités, mais aussi un inspecteur de police, mais oui, mène l'enquête pour résoudre ce meurtre néolithique. Notre invité aujourd'hui, Jean Guilaine, professeur d'archéologie au Collège de France et spécialiste de la période néolithique. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Gabriel Debray, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacuboviez. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. « 19 septembre 1991, vallée de Lotztalt. C'est une belle journée d'automne qui s'annonce sur les sommets des Alpes tyroliennes. La neige s'étend à perte de vue, le soleil la fait briller. Erika et Helmut Simon, deux randonneurs allemands amoureux de haute montagne, ont décidé d'en profiter pour se promener sur le glacier du Similaun, à 3000 mètres d'altitude, à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Venus tout droit de Nuremberg, ils ont choisi cette région connue pour ses multiples glaciers et vallées au panorama bucolique, un endroit idéal pour entraîner leurs mollets de grimpeurs, et puis passer aussi quelques jours en amoureux. Pour rejoindre le sommet, ils s'éloignent un peu du chemin. Et là, derrière une petite butte de neige, Erika Simon aperçoit une forme étrange. Alors elle s'approche, et à chaque pas, la forme se précise. Son cœur bat la chamade. Elle attrape le bras de son mari. « Regarde, dit-elle, c'est une personne. » Devant eux, émergeant de la glace comme un iceberg macabre, un cadavre vient troubler la blancheur immaculée du champ de neige. Le corps est très mal en point. Sa peau est tannée d'une couleur ambrée. Certaines côtes apparaissent. Le corps est allongé sur le ventre, le visage collé au sol. Erika et Helmut sont stupéfaits. Mais qui peut bien être cet homme enfoui sous la glace ? Les deux marcheurs pensent bien sûr à un alpiniste égaré. C'est malheureusement commun dans les Alpes que des skieurs ou des randonneurs se perdent. Sous le choc, ils prennent le corps en photo et descendent en urgence de la montagne pour prévenir les autorités. Secouristes, policiers et journalistes arrivent sur les lieux. Il faut d'abord dégager le corps. À coups de piolet et de pioche, on arrive à l'extraire de la glace sans trop de ménagement. D'ailleurs, dans l'opération, le pauvre bougre perd un morceau de fesse et de cuisse. Rainer Henn, un médecin légiste autrichien, dirige la mission scientifique envoyée sur place. Les journalistes de la presse locale témoignent de ses premières constatations. Je peux dire qu'il est certainement mort et qu'il se trouve ici depuis fort longtemps. Il est resté probablement pendant une longue période dans l'eau et dans la glace. Nous pourrons en dire davantage lorsque nous disposerons des instruments nécessaires pour ausculter le corps, déterminer son sexe et, si nous avons de la chance, connaître l'identité de cette personne. Bon, il est mort, c'est clair. Mais depuis combien de temps ? difficile à dire, tant le corps ne ressemble pas aux découvertes habituelles. Il n'a pas de vêtements, pas de matériel qui permettrait de deviner l'époque à laquelle il vivait. Mais déjà, les bruits courent. Ce ne serait pas un randonneur malheureux mort il y a quelques années. Et s'il était mort, il y a beaucoup plus longtemps, en fait. Non, pas depuis quelques années, depuis longtemps. Il y a 100 ou 150 ans, peut-être plus encore. Peut-être va-t-on faire une plus grande découverte. C'est bien l'avis de Reinhold Messner, un alpiniste qui demeure non loin de là, une star dans son domaine. Sa notoriété est internationale, sa connaissance de la montagne ne fait donc aucun doute. Il se trouve justement qu'il était sorti sur le glacier des Similaun au moment de la découverte. Et ce n'est pas la première fois qu'il croise un corps emprisonné dans les neiges meurtrières des Alpes. Mais cette fois, il le sent, ce n'est pas un banal accident de montagne. Il propose donc une nouvelle thèse. Et si le cadavre du Similaun était un vestige d'un autre temps, une découverte archéologique ? Au sommet de la montagne, les questions affluent, mais les réponses manquent. Il faut étudier le corps. On fait venir un hélicoptère et voilà notre homme des glaces parti pour son plus long voyage depuis bien longtemps vers sa nouvelle demeure, à Innsbruck, en Autriche, dans les locaux de l'Institut d'études préhistoriques. L'émotion est à son comble. De toute sa vie, le directeur de l'Institut, Konrad Spindler, n'a jamais eu entre ses mains un tel spécimen. Très vite, il comprend que le moment est historique. Et il en est certain. La momie de l'Ostalte n'est pas un randonneur égaré, mais peut-être bien un homme préhistorique. Donc, une découverte beaucoup plus importante. Alors il faut l'annoncer à tous. Ce qu'il ne tarde pas à faire devant les caméras du monde entier. Als ich heute Morgen um 8 Uhr zum ersten Mal ce matin, à 8 heures, dès que j'ai vu le corps et les objets qui l'entouraient, il était évident pour moi qu'il s'agissait d'un homme de la préhistoire. Les objets trouvés sont typiquement du début de l'âge du bronze, c'est-à-dire 2000 ans avant Jésus-Christ. On peut estimer l'âge de cette momie à 4000 ans. Aujourd'hui, il ne peut subsister aucun doute quant à l'âge de cet homme. Depuis plusieurs semaines, des dizaines de scientifiques s'affairent autour du cadavre. Pour éviter de l'abîmer, on installe l'homme des glaces dans un congélateur sur mesure. Maintenu à une température de moins 6 degrés et à une humidité de 98%, le corps est en sécurité. C'est que la momie est devenue une star. On lui donne même un nom, Otzi, en hommage à la vallée de Lotstadt, où il était découvert. En France, on s'amuse à l'appeler Hibernatus, comme le film avec Louis de Funès, sorti en 1969. Mais le mystère reste épais. Qui est cet homme préhistorique? Que faisait-il à 3000 mètres d'altitude? Quel âge avait-il? Quelle était sa vie? L'enquête scientifique commence. À partir de 1992, le glacier est transformé en site archéologique. Des dizaines de spécialistes venus du monde entier viennent fouiller la glace et respirer le grand air alpin. Sur place, autour du lieu où on a trouvé le corps, on retrouve plusieurs objets. Des vêtements, des armes, de la nourriture, tous incroyablement bien conservés. La glace a préservé le bois et même certains fruits, des champignons. C'est une aubaine incroyable pour les spécialistes de l'époque néolithique. Oui, parce que jusqu'ici, ils n'avaient à leur disposition que des vestiges de lieux d'habitation, quelques ossements et outils, mais jamais ils n'auraient pu espérer avoir entre leurs mains un cadavre et des outils aussi bien conservés. Alors la première question à laquelle il leur faut répondre, celle dont découleront toutes les autres, et celle de l'âge, bien sûr. Quand Otzi est-il réellement mort? La question paraît de prime abord épineuse. Il n'a pas laissé de testament, évidemment, et personne n'est là pour témoigner de sa mort. Mais les scientifiques ont à leur disposition une méthode imparable, la datation au carbone 14. Cette technique est ancienne. Elle a été découverte dans les années 40 et a prouvé son extrême fiabilité. Le principe est de mesurer le taux de carbone 14 contenu dans les tissus organiques pour en déduire l'âge de la découverte. Charles-Noël Martin, un scientifique de l'époque, en expliquait déjà les caractéristiques en 1961 sur l'ORTF. C'est le rayonnement cosmique qui tombe sur Terre en une pluie incessante qui, en très haute atmosphère, par des réactions nucléaires appropriées, forme sur l'azote de l'air du carbone 14. Or, ce carbone 14, il est radioactif et son temps de demi-désintégration, ce que l'on appelle la période en termes de radioactivité, est de 5600 ans. C'est-à-dire qu'ayant une certaine quantité de carbone 14, il lui faut 5600 ans pour se désintégrer de moitié. Et puis, de nouveau, 5600 ans pour que cette moitié se désintègre de moitié, c'est-à-dire que l'on ne parvienne au quart de la quantité initiale. Et puis encore, 5600 ans pour parvenir au huitième de la quantité initiale. Vous voyez par conséquent que l'on a là une échelle qui permet, en dosant une certaine quantité d'un élément radioactif dont on connaissait à l'origine la quantité initiale, de savoir le temps qui s'est écoulé depuis ce moment initial jusqu'au moment de la mesure. Dans le cas d'Otzi, le résultat de l'analyse ne manque pas d'étonner les équipes de Konrad et Spindler. Otzi est encore plus vieux qu'on ne pensait, plus vieux de 1000 ans. Il aurait connu son tragique destin au cours du 3e millénaire avant Jésus-Christ, ce qui lui donne l'âge canonique de 5000 ans. L'équipe de Konrad Spindler ne s'y attendait pas. Voilà en effet qui remet en question nombre de connaissances dans le monde de l'archéologie. Auprès du corps, on a retrouvé des objets en bronze. Or, jusqu'ici, les scientifiques pensaient que l'âge du bronze n'avait commencé que beaucoup plus tard, plus de 1000 ans après la mort de l'homme des glaces. En plus, ces tissus ont été si bien conservés qu'il reste de l'ADN dans ces cellules, ce qui permettrait d'en savoir plus sur l'origine de nos gènes et des maladies que nous subissons encore aujourd'hui. Une découverte incroyable donc, mais peut-être trop belle, finalement, pour être vraie. Petit à petit, archéologues et autres scientifiques amateurs commencent à trouver l'histoire un peu louche. Et les plus folles spéculations voient le jour. La découverte attire des jalousies, un certain scepticisme. C'est tout de même une sacrée coïncidence que cette momie ait été retrouvée si près de chez l'alpiniste Reinhold Messner. On raconte qu'il aurait fait venir une momie égyptienne achetée au marché noir pour la cacher dans les glaces du Similaun et attirer ainsi les médias. Et ce serait un sacré coup de pub. D'ailleurs, même les scientifiques les plus sérieux restent prudents, à l'image de l'archéologue Christian Chevillot. Sur le moment, j'ai eu, en tant qu'archéologue, beaucoup de doutes, parce que c'est vrai que ça m'a paru un petit peu trop beau. Les conditions de découverte sont faites dans un milieu quand même qui est un milieu très particulier, un glacier, où théoriquement au-delà de 150 ans, une découverte de ce type ne peut pas se produire. Vous savez, on connaît dans le milieu archéologique, plusieurs fois il y a eu des petites choses qui ont été montées, des petits canulars pour s'amuser. Prudence donc. On sait que le monde de l'archéologie a connu de nombreux canulars et fausses découvertes qui ont réussi à tromper les plus grands spécialistes. On pense, par exemple, à l'homme de Piltdown. Au début du XXe siècle, un jeune archéologue anglais découvre un crâne dans une fosse. Un crâne de ce qui pourrait être le chaînon manquant entre l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens, rien que ça. La communauté scientifique y croit pendant près de 40 ans, mais en 1959, une étude au carbone 14, encore lui, prouve que ce n'est qu'un coup monté. Les ossements n'étaient âgés que de quelques centaines de siècles et n'étaient en fait qu'un crâne humain associé à une mâchoire de singe. Déception générale. Alors, l'histoire se répéterait avec Otzi? La tension est palpable, mais le soulagement arrive vite. Après analyse du corps, des objets qui l'entourent et du lieu de sa sépulture de glace, les scientifiques sont formels. La découverte est authentique et en Autriche, c'est la fierté. Une fierté qui rend vite jaloux les voisins italiens. Pensez donc, à quelques dizaines de mètres, la momie aurait été una momia. Et voilà, Cozzi devient l'objet d'une tension diplomatique. Alors, pour en avoir le cœur net, on envoie une équipe de topographes sur place. Et là, verdict, c'est en territoire italien qu'on a découvert Otzi, pas en Autriche. Otzi doit donc déménager une nouvelle fois. puis en Italie, on met les petits plats dans les grands. En 1998, on le transfère dans un musée spécialement ouvert pour sa personne, à Bolzano, dans le sud du Tyrol. On lui installe un nouveau congélateur sur mesure, avec un hublot, pour que les curieux puissent l'admirer. Et surtout, on installe un impressionnant système de surveillance grâce à une batterie d'écran de contrôle. Dans sa nouvelle demeure italienne, Ozzy doit maintenant révéler tous ses secrets. Régulièrement, il subit des batteries d'examen intenses. Tests ADN, prélèvements dans ses chairs, dans ses intestins. À chaque nouvel examen, les scientifiques retiennent leur souffle. Hors du réfrigérateur, ils n'ont que quelques heures pour faire leurs examens où le corps s'affaisserait, perdrait son nom et donc son précieux ADN. Les opérations sont donc délicates, mais payantes, et on finit par dresser le portrait de la momie mystérieuse. Son histoire se déroule au Chalcolithique, une période charnière entre le Néolithique et l'âge de bronze, il y a environ 5300 ans. Nous sommes un peu plus de 1000 ans avant la construction des pyramides. À cette époque, en Mésopotamie, les hommes mettent au point les prémices de l'écriture. Mais dans le Tyrol, l'homme n'écrit pas encore. Il n'a pas découvert la roue non plus. Les populations sont composées de chasseurs-cueilleurs qui arpentent les montagnes à la recherche de leur nourriture et de quelques agriculteurs sédentaires qui commencent à élever des animaux et à planter des céréales. Notre homme est donc un habitant des montagnes, habitué aux sentiers escarpés et aux grands airs alpins. Ozzy est un homme brun, aux yeux marrons, âgé d'environ 45 ans lorsqu'il est mort, ce qui était un vieillard pour l'époque. Il mesure 1m64 et pèse une quarantaine de kilos. Un gringalet donc. Enfin, pas tant que ça. Ses muscles montrent qu'il a l'habitude de marcher beaucoup. Il est même, on dirait aujourd'hui, bien bâti. Alors on l'imagine berger ou chasseur, peut-être prêtre ou dignitaire, car sur sa peau, on dénombre pas moins de 61 tatouages répartis sur 19 régions de son corps. Des lignes et des croix qui semblent avoir été dessinées de façon rituelle sur des zones où il avait mal. Qui d'autre qu'un homme d'importance aurait pu bénéficier d'un tel traitement ? Pour se tenir chaud au cours de ses marches sur les sommets alpins, Ozzy a revêtu une tenue sophistiquée. Son manteau est fait de fourrure et de cuir venant de 7 animaux différents, dont la chèvre et l'ours brun. Il porte aussi un pantalon, des chaussures en corde et en cuir fourrées de paille. Dans son sac à dos en bois, il transporte plusieurs objets. Des armes, dont une magnifique hache en cuivre, un arc en bois d'if d'1m80 de haut et inachevé, avec son carquois de flèches dont la moitié n'ont pas de pointe, ainsi qu'un poignard en silex. Il a aussi un kit pour faire du feu et des champignons contenus dans une petite pochette en cuir. Des champignons qui, à en croire certains prélèvements, seraient des champignons médicinaux. À mesure que les recherches avancent, on s'aperçoit que Ozzy, l'homme des glaces et des montagnes, était en fait mal en point. Grâce à de nouvelles recherches sur son patrimoine génétique, on apprend que Ozzy avait les yeux marrons et qu'il souffrait de pathologies très contemporaines. Il était intolérant au lactose et qu'il était porteur de certaines pathologies comme la maladie de Lyme, qui est transmise par les tiques, et aussi qu'il était porteur de certains facteurs de risque pour des pathologies cardiovasculaires. Ozzy, atteint de problèmes cardiovasculaires. Pour les scientifiques, la découverte est intéressante. Elle remet en cause l'idée selon laquelle ces pathologies sont essentiellement liées à un style de vie moderne. Ozzy, lui, devait être un berger, habitué à partir en transhumance dans les alpages. On apprend qu'il disposait d'un patrimoine génétique comparable à la population vivant en Corse ou en Sardaigne. Et on en arrive à la question cruciale. Comment notre homme préhistorique a-t-il trouvé la mort en haut de cette montagne italienne ? À première vue, on pourrait penser, alors qu'il est atteint de tant de maladies, que son corps l'a lâché dans un dernier effort trop important pour son grand âge. Ou encore, qu'il s'est perdu et n'a pas pu trouver refuge avant une tempête de neige. Il se serait fait surprendre par le bizarre avant d'être recouvert pour des millénaires par la neige et par la glace. Même si l'homme semblait bien connaître les lieux, en jugé par son équipement et sa carrure de berger, il aurait pu commettre une erreur de jugement après tout. L'erreur est humaine, même au néolithique. Pour les spécialistes de l'époque, cette ère est un temps de paix et personne n'imagine qu'Otzi ait pu être victime de la violence d'un autre homme. Mais en 2001, à la faveur d'une radiographie, une nouvelle découverte vient bousculer ses certitudes. Sa petite famille peut être fière. Grand-père Hibernatus est mort en soldat, blessé lâchement sur le champ d'honneur. Il aura fallu 5310 ans et pas mal de poussière pour venir à bout de cette enquête criminelle. Sa mort n'a sans doute pas fait la une des canards de l'âge de bronze, mais justice lui est désormais rendue. Selon une reconstitution plus ou moins fidèle, l'homme des glaces aurait été victime d'un archer vil et veule. Sa flèche traîtresse l'a frappé dans le dos à l'épaule, plus précisément. À l'aide d'une technique d'imagerie en trois dimensions, les scientifiques ont pu jouer les roule-tabilles de laboratoire. Nous avons tout de suite examiné soigneusement le corps, particulièrement le dos. Cette image montre clairement une blessure visible sur la peau. La momie ne comporte qu'une seule trace de flèche. Depuis sa découverte dans les Alpes italiennes il y a 10 ans, Hibernatus coule des jours heureux dans un congélateur qui lui a été dédié. Quant à son meurtrier, on est sur ses traces, mais les poursuites pourraient être enterrées. Et si Otzi n'était pas mort de froid, s'il avait été assassiné? Donc, serions-nous en présence du plus vieux meurtre non élucidé de l'humanité? The glass. Je suis resté de glace. De glace. Mon reflet dans l'impasse. Combien de fois me suis-je perdu? Combien de temps ai-je mis pour midi ordinaire au commissariat de Munich, en Allemagne. L'inspecteur Alexander Horn en est déjà à son 4e café, quand retentit son téléphone. À l'autre bout du fil, une voix féminine lui demande « Dites-moi, vous enquêtez bien sur les affaires classées, hein ?»« Oui, tout à fait. »« Eh bien, j'ai pour vous la plus vieille affaire classée qui soit. » L'inspecteur Horn est sceptique. La femme qui vient de l'appeler s'appelle Angelica Fleckinger, c'est elle qui dirige le musée d'archéologie de Bolzano en Italie. Et le cas qu'elle lui propose d'étudier est tout sauf ordinaire. Un meurtre, enfin présumé, datant de plus de 5300 ans, celui d'Otzi, un montagnard touché dans le dos par une flèche. Au début, l'inspecteur Horn croit une blague, un canular, comme on en reçoit beaucoup dans les commissariats de police. Mais Angelica Fleckinger est tout ce qu'il y a de plus sérieux. L'homme des glaces aurait été assassiné. Oui, ce serait un meurtre. Alors, pourquoi ne pas faire appel à un spécialiste des affaires criminelles pour éclairer l'enquête et élucider le mystère? Évidemment, l'inspecteur Horn est réticent à travailler sur un si vieux sujet. Quelles sont les possibilités de trouver des preuves, ou ne serait-ce que des indices, hein? Alors, quant aux témoins, n'en parlons pas. Mais la curiosité est plus forte. Et l'inspecteur se lance. Après tout, le corps est en bien meilleur état que certains cadavres auxquels il a déjà eu affaire. Et voici Cozzi, mort dans les Alpes en 3000 avant Jésus-Christ, aura droit à sa propre enquête policière du 21e siècle. Et comme pour toute investigation de ce genre, elle sera flanquée d'une équipe de scientifiques chargée d'accumuler les preuves. Sauf que dans son cas, les experts ne font pas de la balistique ou de la médecine légale. Non, ils sont archéobotanistes ou docteurs en paléométallurgie. On les imagine mal en impair couleur mastic. Pour comprendre ce qui s'est passé, Alexander Horn commence donc à remonter le fil des découvertes scientifiques comme on inspecterait une scène de crime. Alors, on connaît déjà l'arme du crime, reste à déterminer le mobile. Et de ce point de vue, un objet attire tout particulièrement l'attention de l'inspecteur, la hache en cuivre. Tout laisse à penser qu'à cette époque, un tel objet, surtout aussi bien travaillé, aurait une grande valeur. Alors, pourquoi laisser l'objet à côté de la victime? Si Ozzy avait été tué par des voleurs, il aurait été dépouillé de ses biens. Voilà donc la piste du braquage écartée. De même, s'il avait été victime d'un accident de chasse, on peut imaginer que le tireur en aurait profité pour récupérer des objets. Tant qu'à faire. Eh bien, en 2012, une nouvelle découverte des chercheurs apporte de l'eau au moulin de l'enquêteur. Et on en parle sur France 2. Ozzy. Depuis 20 ans, les scientifiques l'auscultent, la dissèquent pour qu'elle livre ses secrets millénaires. Et voilà leur dernière découverte. Dans une plaie à la main gauche et sous son omoplate, ils ont trouvé des globules rouges parfaitement conservés. Des cellules sanguines qui dateraient donc de la fin du néolithique. S'il n'a pas subi des périodes de congélation, décongélation, recongélation et ainsi de suite, il est tout à fait logique qu'on retrouve des globules rouges à peu près intacts. On ne garantit pas forcément qu'ils seraient viables et réutilisables, mais qu'ils aient gardé leur morphologie, qu'ils aient gardé leur teneur en hémoglobine, c'est tout à fait logique. Une découverte qui nous permet aussi d'en savoir plus sur Ozzy, l'homme des glaces. Jusqu'à présent, on connaissait son âge, 45 ans, sa taille 1m59 et son poids plume, 40 kg. On sait aussi que juste avant sa mort, Ozzy avait reçu une flèche en silex dans le dos. On avait cru qu'elle l'avait tué sur le champ. Mais l'analyse des globules rouges remet en cause cette hypothèse. En fait, les cellules sanguines avaient commencé leur coagulation. Le caillot a eu le temps de se former quand même. Ça veut dire qu'il probablement il n'est pas mort sur le coup. La preuve qu'Ozzy, le chasseur, a connu une agonie longue et douloureuse. Cet homme de glace a souffert, en chair et en os. Face à la multiplication de maladies dont était atteint Ozzy, Alexander Horn avait imaginé qu'il avait pu être achevé par ses camarades par compassion. Il aurait ensuite été laissé là, en haut de la montagne, en guise de sépulture. Mais voilà que l'étude de ces globules rouges montre que les derniers moments d'Ozzy furent tout sauf paisibles. La flèche qui lui a pourtant transpercé une artère ne l'a pas tué sur le coup. La thèse de l'assassinat rituel ou compassionnel ne colle donc plus. Eh bien, il faut chercher ailleurs. Grâce au scanner, on s'est aperçu que les tissus autour de la blessure ont subi des traumatismes. Tout porte à croire que la flèche a été arrachée. Pourquoi infliger cela à un corps considéré comme potentiellement sacré? L'inspecteur s'oriente toujours plus vers un scénario violent, car ça colle aussi avec une autre de ses blessures. À la tête, celle-là. On a découvert des hématomes au cerveau. L'os à l'arrière du crâne, lui aussi, est abîmé, comme si l'homme des glaces avait reçu un coup violent. Vu la position du corps, il paraît peu probable qu'il se soit fait cette blessure en tombant sur une pierre. Alors, quelqu'un serait-il venu l'achever d'un coup sur la tête? L'histoire prend forme. Un autre élément vient titiller l'esprit investigateur de l'inspecteur Horn. Sur les vêtements et le couteau d'Ozzy, les chercheurs ont retrouvé des traces de sang de 4 personnes différentes. Il semblerait qu'Ozzy avait quelques ennemis, ou qu'en tout cas, il avait été mêlé à une bagarre peu de temps avant sa mort. Sa blessure, la main droite, entre l'index et le pouce, vient appuyer cette thèse. On sait aussi qu'Ozzy avait beaucoup marché dans les moments qui ont précédé sa mort. Grâce aux traces de pollen découvertes dans ses poumons, on peut retracer son itinéraire. Il aurait descendu la montagne, peut-être pour rejoindre son village, puis serait remonté jusqu'au glacier de Similaun, où la flèche l'a atteint. Alexander Horn avance donc une nouvelle hypothèse. Ozzy aurait pu descendre jusqu'à son village où il aurait provoqué la colère de quelques membres de sa communauté avec qui il se serait battu. Peut-être aurait-il même tué l'un de ses adversaires. Contraint de fuir, il aurait pris la direction des montagnes pour essayer de se cacher. Poursuivi, il n'aurait pas réussi à échapper à ses agresseurs qui l'auraient tué d'un coup de flèche. La construction du scénario tient debout. Mais c'était sans compter sur cet autre événement, révélé celui-là en 2002 et rapporté par France 2. Ozzy, comme il fut nommé, a fini par être l'attention de 64 laboratoires du monde entier qui régulièrement et à tour de rôle se penchent sur sa dépouille. Il y a 2 ans, il fut décongelé une première fois par une équipe italienne qui en profita pour faire toutes sortes de prélèvements et notamment dans ses intestins. La matière a été analysée par la méthode d'amplification de l'ADN, car ces tissus contiennent 1 million de fois moins de matériel génétique par gramme que ceux d'un homme vivant. 2 ans plus tard, les analyses révèlent enfin par le menu son dernier repas, des céréales, de la viande de bouquetin et de cerf, un festin. Comment un homme en fuite aurait-il pu prendre le temps d'un repas aussi copieux composé de céréales et de viande ? C'est qu'il devait se sentir en sécurité, d'autant que les objets autour de lui semblent avoir été soigneusement installés pour établir un campement. Mais il avait de quoi faire du feu et sa cape végétale pouvait lui servir de matelas pour dormir. L'analyse plus fine de son dernier repas montre même que certains de ses aliments auraient été cuits. Pas vraiment le comportement d'un homme traqué. Donc, considérons qu'Ozzy ne se sentait pas en danger. Peut-être connaissait-il l'agresseur ou bien se pensait-il seulement hors d'atteinte. La flèche, telle qu'elle a transpercé, démontre qu'elle a été tirée en contrebas. Ou bien que notre homme des glaces s'était penché quand il a reçu le projectile tiré de plus haut dans la montagne. Pour l'inspecteur, étant donné la gravité de la blessure et l'angle de tir, il paraît évident que le but de l'agresseur était bien de tuer. Et celui-ci a préféré la solution du tir de longue portée pour ne pas se confronter directement à sa victime. Peut-être avait-il retenu les leçons de l'altercation qui a valu à Ozzy sa blessure à la main. Voilà une histoire qui ressemble de près à ce que l'inspecteur Horn a l'habitude de rencontrer dans ses enquêtes aujourd'hui. Vous avez un ennemi, une volonté de vengeance qui vous pousse à le suivre pour le tuer comme si les émotions qui entourent le meurtre n'avaient pas changé au fil des millénaires. L'inspecteur en arrive à formuler cette dernière hypothèse en s'inspirant des meurtres sur lesquels il travaille à Munich. Et si Ozzy avait eu une relation avec une femme de son village qui aurait été promise à un autre homme ? L'époux trompé a peut-être voulu régler son compte à son rival. Les 2 hommes se seraient d'abord disputés dans le village et d'autres se seraient mêlés à la bagarre. Puis, dans un dernier élan de haine, il l'aurait suivi jusqu'à la montagne où il lui aurait décoché la flèche fatale. Voilà, pour l'inspecteur, c'est la fin de l'enquête, même s'il sait qu'il ne pourra jamais coincer le coupable. Mais bon, il y a prescription. Une autre question demeure. Et si Ozzy lui-même était un tueur ? Depuis sa découverte, une étrange rumeur court autour de la momie de Lotzalt. On dit que l'homme des glaces serait en colère et se vengerait de tous ceux qui seraient venus troubler sa sépulture. Ses victimes seraient au nombre de 7, répertoriées par France 2 en 2005. Réveillé à coups de pioche. Manipulé sans pincettes, emballé dans un sac plastique comme une vulgaire marchandise. L'homme le mieux conservé au monde, Ozzy, 3300 ans, n'aurait pas apprécié de quitter son sarcophage de glace pour la table d'opération des savants. Car depuis 14 ans en Italie, on lui prélève de l'ADN, on lui retire des intestins. Coïncidence, ceux qui l'ont approché meurent mystérieusement. À commencer par Tom Loy. L'archéologue ne croyait pas aux fantômes, il est retrouvé mort à son domicile. Le touriste qui avait découvert le cadavre meurt de froid comme Otzi, seul, en pleine montagne. Parti l'aider, un secouriste décède d'une crise cardiaque. Et puis le chef de la mission scientifique, un archéologue, un guide de haute montagne, et même le caméraman qui avait filmé en premier Otzi, tous morts. 7 décès en quelques années. Pourtant, à y voir de plus près, les scientifiques ne croient ni au porte-bonheur, ni au porte-malheur. J'ai eu l'occasion de dégager des dizaines, voire des centaines de momies. Apparemment, je ne suis pas malade, mais vous savez, la vengeance est un plat qui se mange froid. Y aurait-il une malédiction autour d'Otzi ? Aurait-il, comme Toutankhamon avant lui, jeté un sort sur tous ceux qui seraient venus le déranger dans son dernier sommeil ? Bien sûr, cela paraît peu probable, mais cela nous fait tout de même réfléchir à notre rapport à la mort, qu'elle soit contemporaine ou millénaire. Les mystères autour d'Otzi resteront nombreux. Jamais, sans doute, nous ne connaîtrons la vraie histoire de sa mort. Mais sa découverte nous a apporté beaucoup de réponses sur ce que nous étions autrefois, des humains. Tout simplement humains donc, jaloux, cruels, violents, fourbes et lâches. Pour le reste, faites confiance à votre imagination. Some things are so dark that woe betide the light that shines on them. I swear to God, I thought it was a sign. This shallow grave recedes with every darkened patch of sky, the withered, weary features dark, resembling mine. And in the desperate clamor of the chaos that surrounds you, it's hard to know which the voice is that you hear. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'histoire d'Otzi, l'homme des glaces, version polar. Avec notre invité Jean Guilaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'archéologie au Collège de France. Vous êtes à Toulouse, en duplex à Toulouse. Vous êtes auteur, entre autres, de Cain Abel Otzi, l'héritage néolithique chez Gallimard. En 2011, vous vous êtes spécialisé précisément sur cette époque néolithique qui va, si je ne m'abuse, du début de l'agriculture jusqu'aux prémices de l'écriture. C'est ça déjà la référence temporelle? C'est ça. Alors évidemment... Au Proche-Orient, ça commence très tôt, ça commence autour de 10 000 avant notre ère et ça finit autour de 3 000. Et en Occident, chez nous, ça commence autour de 6 000 et ça finit autour de 2 000. Alors, en gros, le cadre chronologique. Voilà, ça c'est le cadre chronologique, effectivement. Mais ce néolithique, qu'est-ce qu'il a apporté dans l'évolution de l'homme et sa socialisation? Le néolithique, c'est l'époque où l'homme devient un agriculteur, un éleveur. Donc, il vit dans des villages qui ne devaient pas être tellement différents des villages du peuple, dirons-nous, du Moyen-Âge, c'est-à-dire des maisons en bois et en terre, parfois en pierre, n'est-ce pas? Et donc, il vit dans des villages, dans des hameaux. Donc, c'est un paysan, c'est un agriculteur. Voilà. On peut dire que le néolithique, néo, ça veut dire nouveau, récent. La nouvelle pierre, voilà, néolithique. Mais c'est ça, nouvelle pierre, c'est la fin de la préhistoire, on peut le dire comme ça? C'est la fin de la préhistoire, et en même temps, mais Otzi le montre bien, ce sont les débuts de la métallurgie. C'est-à-dire que vers la fin du néolithique, l'homme apprend à travailler le métal, le cuivre d'abord, et Otzi en est un bon exemple. Eh ben oui, on va y revenir. Et puis le bronze ultérieurement, le bronze qui est un alliage de cuivre et d'étain. Absolument. Alors, en quoi la découverte d'Otzi est-elle particulièrement intéressante pour les archéologues? Alors, point par point, on va pas mettre tous les points en même temps, mais quel est pour vous l'enseignement, la découverte majeure? La découverte majeure, c'est de disposer d'une momie, c'est-à-dire d'un corps. Parce que on connaît beaucoup de sépultures à cette époque-là, mais nous n'avons que les ossements, en fait. Eh oui. Tandis que là, en plus, nous avons les parties molles, c'est-à-dire les chairs. Et donc, on peut analyser en quelque sorte sa peau, mais aussi ses organes internes, l'estomac, l'intestin, le sang. L'émission l'a bien montré. Donc, vous avez toute une série de données qui échappent, en général, aux chercheurs. Mmh. Et puis, il y a bien entendu ses vêtements et son équipement. Alors l'équipement, on connaissait évidemment, on savait qu'il y avait des arcs, on savait qu'il y avait des flèches, n'est-ce pas, des couteaux, etc. Mais là, on retrouve tout ça, en quelque sorte, l'équipement, l'habit et le personnage regroupés en un même point, dans une même découverte. Mmh. Et c'est ça qui a fait tout l'intérêt de celle-ci. Et la découverte de la hache en bronze a surpris quelques chercheurs, parce que, est-ce qu'on savait que ce métal était utilisé à l'époque? C'est un alliage, on rappelle, d'étain et de cuivre, hein, le bronze. Oui, non, mais alors, c'est une hache de cuivre, en fait, n'est-ce pas? Ah bon? Le bronze ne viendra qu'ultérieurement. Mmh. Donc, en fait, lorsque Konrad Spindler a fait la première authentification, il a dit, ça date des environs de 2000 avant notre ère. Et la hache, effectivement, ressemble à des haches que l'on trouve à cette époque-là. Mais il se trouve qu'elle est plus ancienne. Et il faut dire que le métal, qui peut, ça peut être des lames de hache, ça peut être des haleines, ça peut être des couteaux, ça peut être des parures. Eh bien, le métal commence à circuler dans les Alpes dans le courant du 4e millénaire. Et Otzi date de la fin du 4e millénaire avant notre ère, vers 3200. Donc, les datations radiocarbone ont parfaitement confirmé, en quelque sorte, cette datation plus ancienne. On est autour de 3200 avant notre ère, voilà. Bon. Et le métal circule. Bien. Alors, on a parlé du corps. Vous dites, il n'y a pas que des os, il y a des parties molles. Et surtout, l'ADN, qu'est-ce qu'on retrouve à ce niveau-là? Ah ben l'ADN, c'est fort intéressant, parce que grâce à l'ADN, on peut savoir exactement quelle est la généalogie génétique, en quelque sorte, du sujet. Autrement dit, quelle est sa filiation ancestrale. Alors, on a d'abord extrait l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire celui qui relève de sa lignée maternelle, en quelque sorte, et on a montré que il avait encore peut-être quelques descendants dans le secteur des Alpes, près de l'endroit où on l'a trouvé. Mais on a pu également étudier une ADN plus poussée, n'est-ce pas, l'ADN nucléaire, et c'est là qu'on s'est rendu compte, en quelque sorte, que on pouvait reconstituer la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux. On a vu aussi quelles étaient les prédispositions qu'il avait à certaines maladies. Vous l'avez dit au cours de l'émission, par exemple, des maladies coronariennes, n'est-ce pas? Par exemple, son intolérance au lactose. Autrement dit, il ne digérait pas le lait. Hein. Ça n'est que par la suite qu'une mutation s'est opérée, que les adultes ont pu, en quelque sorte, digérer le lait. Pas toutes les populations, d'ailleurs. Donc, vous voyez, on a pu également savoir quelles étaient les maladies. Et en même temps, faire une histoire de ces maladies, d'une certaine façon. Vous avez dit tout à l'heure qu'il avait peut-être la maladie de Lyme, vous savez, qui est cette maladie qui est transmise par les tiques. Hein. Mmh. Alors, les tiques, les archéologues savent ce que c'est, parce que ils sont eux-mêmes souvent ceux qui font du terrain, et bien entendu, piqués. Ils sont piqués par les tiques. Ça m'est moi-même arrivé, d'ailleurs. Hein. J'ai même fait une réaction ganglionnaire à une piqûre de tiques. Mais pour revenir à Ozzy, il avait des calculs biliaires, par exemple, ce qui nous donne une idée sur son alimentation. On sait également, grâce à ces études, on a trouvé dans son estomac, une bactérie, n'est-ce pas, l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie qui suscite des brûlures, des ulcères d'estomac, et ça peut déboucher en cancer. Mmh. On sait aussi qu'il avait des parasites, par exemple, dans l'intestin. Et ça, c'est assez intéressant, parce que on a trouvé des œufs de trichine, n'est-ce pas, qui donne la trichinose. C'est un parasite, n'est-ce pas, qui donne des fièvres, des diarrhées. Et on pense que grâce à une sorte de champignon de bouleau qu'il avait dans un des sacs qui le suivait, oui. C'est pas dans de ses contenants, on pense que ce champignon pouvait être utilisé pour justement guérir ces maladies. Donc, ah oui, on le disait dans le récit. Ça nous donne une idée de la pharmacopée de l'époque. C'est fascinant. Est-ce que ça veut dire qu'il était plus malade que ses contemporains ou que ses contemporains étaient tous exposés à ce genre de choses? Il devait y avoir d'aussi malades, ouais. et de mieux portants. Bon. Vous voyez, en quelque sorte, ça nous renseigne sur le bonhomme et en même temps un peu sur l'histoire des maladies et un petit peu sur la façon dont on pouvait soigner ces maladies. Parce que nous ne disposons en général, je vous l'ai dit tout à l'heure, que des ossements. Alors on voit bien qu'il y avait une médecine à l'époque, que par exemple certaines fractures ont été guéries par la pose d'attelle. Vous voyez, bon, on sait qu'à l'époque, par exemple, on trépanait. À l'époque. Mmh. Bon, on sait qu'à l'époque, il pouvait y avoir des dentistes. On a retrouvé, par exemple, à Mergard, des plombages. Voyez, donc on sait que ces gens-là se soignaient, avaient évidemment toute une médecine qui était basée sur une tradition empirique, bien entendu. Bien sûr. Quelle était votre réaction, vous, quand vous avez appris la découverte d'Ozzy? Qu'est-ce que vous avez pensé? Ah ben, évidemment, j'ai été enthousiasmé et je vous dirais que je suis allé le voir assez rapidement, mais en fait pas tout de suite, parce qu'il est resté un temps en Autriche, comme vous savez. Et puis les Italiens l'ont réclamé. À Bolzano, alors il a fallu préparer un musée à son honneur, à Bolzano, où il a été, en quelque sorte, reçu, si je puis dire, avec les honneurs, parce que c'était au fond l'enfant du pays qui revenait chez lui, n'est-ce pas? Et alors je suis allé le voir à Bolzano. Et d'ailleurs même, j'ai voulu aller, mais ça n'a pas marché, j'ai voulu aller sur le site avec ma collègue de Trento, Anna Luisa Pedrotti, et nous avons été pris par la neige, il nous a fallu redescendre. Mais j'ai eu l'occasion de le voir à deux reprises au musée de Bolzano, où les gens d'ailleurs se pressent pour aller voir ce personnage, puisque ce musée recueille plus de 250 000, 000 visiteurs par an, vous voyez, donc c'est un chiffre qui est très élevé, et on l'observe dans sa chambre froide à partir d'une sorte de hublot. Mmh. Alors on ne peut pas rester trop longtemps parce qu'évidemment il y a la queue et vous devez laisser la place pour que le suivant puisse voir la momie. Bon, alors, on va écouter, vous donner une idée d'escapade, là. On parlait à Bolzano. Nous allons écouter ensemble, si vous voulez bien, Jean-Pierre Moen, qui était le directeur du laboratoire de recherche des musées de France, à l'époque où il apprend ça. Enfin, il parle d'Ozzy un peu plus tard, d'ailleurs. Il présente l'une des premières hypothèses sur la mort d'Ozzy. On arrive au volet enquête et polar. Il est vraisemblable qu'à cette époque-là, on ait eu une période particulièrement favorable. Le climat était légèrement plus doux, plus chaud que de nos jours encore, de 1 ou 2 degrés. C'est vraisemblable. Cela veut dire que, bien sûr, les arbres ont poussé plus haut, que les alpages montaient plus haut. Cela veut dire aussi, ça explique pourquoi, l'homme a pu donc s'endormir dans un terrain relativement dégagé, Et il a été pris peut-être dans un blizzard. Il a été pris dans une tempête de neige, vraisemblablement. Et il a été recouvert, il s'est endormi, il a été pris par le froid, il est mort. Mais une mort douce, puisqu'il n'y a aucune trace de violence sur son regard. Bon, les vérités d'hier sont pas forcément celles d'aujourd'hui. Ah ben oui, vous savez, l'archéologie poursuit son chemin, en quelque sorte. C'est une discipline scientifique, et donc les hypothèses évoluent. Et il est certain que, à l'époque où Jean-Pierre Moen faisait cette observation, on pensait qu'il s'agissait d'un berger mort de froid, et on s'apitoyait sur ce pauvre personnage. Et puis, il y a eu le fait que les Italiens, qui avaient été un peu vexés d'ailleurs de ne pas avoir été les premiers à étudier la momie, l'ont regardé sous toutes ses coutures, si je puis dire, et ont trouvé cette flèche. Mmh. Et donc là, l'hypothèse a basculé. On a vu qu'on était dans un monde de violence, que c'est, la mort avait été donnée, Cozzi était mort parce qu'il avait été tué, n'est-ce pas ? Et donc, vous voyez, on peut toujours s'apitoyer, mais on a changé en quelque sorte de thème. On est passé d'une vision pacifique du monde à une vision plus violente. Mais l'enquête ne s'arrête pas là, si je puis dire. Mmh. Parce qu'ensuite, on a observé que Cozzi avait des traces de sang sur sa cape, sur son poignard et sur deux de ses flèches. Donc, il s'est probablement battu. Alors, il a peut-être participé à une rixe, comme vous l'avez dit dans l'émission, dans le courant de l'émission, mais peut-être que lui-même n'était pas très clair. N'est-ce pas ? Et moi-même, à un moment, mais il faut prendre ça sur le ton de l'humour, bien entendu, oui. Je me suis dit, finalement, les Italiens ont fait un musée, ont dédié un musée à un brigand des montagnes, qui sait ? En tout cas, il a échappé, et à Cosa Nostra et à la Camorra. C'est une hypothèse. Nous sortons de l'archéologie pure et dure. Bien sûr. Alors, en revanche, là, on n'est pas dans les hypothèses, on est dans l'observation. Ozzy avait des tatouages. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Oui, alors ces tatouages, on peut se poser la question, est-ce que ce sont des tatouages rituels ? N'est-ce pas ? Est-ce que ce sont des éléments d'identité culturelle ? Vous savez que les civilisations anciennes et même actuelles parfois, les gens se maquillent, se peignent le visage, ont par exemple des parures qui permettent de les reconnaître, de voir à quel clan, à quelle tribu ils peuvent appartenir. Mais ils peuvent avoir évidemment une valeur aussi, dans le cas d'Ozzy, on l'a avancé, thérapeutique, puisqu'on a vu que ces tatouages se situaient sur les zones articulaires du corps. Et comme Ozzy souffrait d'arthrose, bien entendu, de rhumatisme, on peut se demander si ça n'était pas une forme, alors on a dit une forme d'acupuncture, parce qu'il se trouve que les points où il a des tatouages sont souvent les points qui sont traités dans le cadre de l'acupuncture chinoise. Alors, est-ce que c'était une thérapie déjà de l'époque ? On peut poser l'hypothèse, mais sans aller plus loin, bien entendu. Mais on savait que c'est les tatouages ou les scarifications étaient connus à cette époque-là, puisque nous disposons de stèles, n'est-ce pas ? De stèles anthropomorphes qui représentent des personnages. C'est taillé dans la pierre à cette époque-là. Et certains hommes ou certaines femmes représentées ont des tatouages sur le visage. Est-ce qu'on est dans l'époque sédentarisée déjà, ou encore nomade, ou encore les deux ? Non, tout à fait. Écoutez, il y a, lorsque Ozzy est mort, le néolithique, c'est-à-dire le monde paysan, est implanté dans cette zone des Alpes depuis 2000 ans. Alors, on a dit que Ozzy, c'était en quelque sorte une sorte de guerre, d'opposition entre des chasseurs et des sédentaires. Non, ce sont des sédentaires, mais des sédentaires qui se déplacent, bien entendu, qui échangent. Ces sociétés ne sont pas des sociétés repliées sur elles-mêmes, mais elles échangent. Elle circule, et donc Ozzy, c'est pleinement un néolithique. Et d'ailleurs, les vêtements qu'il a sont des vêtements pour l'essentiel faits à partir d'animaux domestiques, de chèvres et de moutons. Par exemple, il porte une tunique qui comprend toute une série de lanières ajustées, cousues, et qui sont en peau de chèvre et en peau de mouton. Donc c'est pleinement un agriculteur, même si lui-même peut-être ne pratique pas directement l'agriculture. Il peut être un berger, il peut être, on a dit, un métallurgiste, etc. Peu importe, il vit dans un monde qui est un monde de paysans, de villageois. Mmh. Alors, à un moment, on a cru un canular, que le corps avait été déposé là, dans un but médiatique, ce qui eût été fâcheux. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de faire des faux en archéologie ? Ah, vous savez, mais défauts... Tout est possible, je sais bien, mais... Défauts, vous en avez en politique, n'est-ce pas? C'est-à-dire des mensonges qui prennent une valeur officielle. Vous en avez en histoire et vous en avez en archéologie. Il y en a de célèbres de faux en archéologie. Vous avez cité le cas de l'homme de Piltdown. Alors ça, je dirais, c'est un faux idéologique. Il s'agissait de tromper la science. Mais on a eu des faux également célèbres en France, comme Glozel, par exemple, bon, qui est un village de l'Allier, où on prétendait avoir découvert, dans les années 20 du siècle dernier, une sorte d'écriture qui aurait été une écriture très ancienne, néolithique. Vous voyez quelle est l'idéologie derrière. Autrement dit, c'est en Occident, et tout particulièrement en France, au cœur de la France, que l'écriture a été inventée. Bon, mais et vous pouvez avoir des faux aussi qui ont un caractère, marchand, n'est-ce pas? Autrement dit, on fait des faux pour revendre des faux comme certains tableaux. Merci infiniment, Jean-Guilaine. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr. Retrouvez Affaires Sensibles, la pièce de théâtre adaptée de l'émission au Tristan Bernard à Paris à partir du 22 septembre.